بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وهناك من يصعد على شاشة التلفزيون والحجة الدين، حجة العلم، ليس الحجة أخطاء الرجال، الحجة العلم. الكتاب والسنة على فهم العلماء، فهم السلف رضوان الله عليهم، هذا هو الواجب. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إياك أن ترى عالما صعد على الشاشة تقول هذا الحجة، هذا ضلال، أن تعتبر الشخص هو الحجة. Est-il permis de filmer les savants pour propager la science? Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafizahullah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hunak mas'ala kathura fiha al-khawd wa an-niza', wa hiya mas'ala tata'allaq bil bab hukm aw ma ja'a fi al-musawwirin. وهي مسألة جديدة، وهي ظهور بعض أهل العلم في شاشة التلفاز في صورة كثر في هذا الخلاف. Est-ce que c'est يجوز؟ Est-ce que là؟ Pourquoi si c'est حرام؟ Pourquoi les savants ils passent à la télé؟ ومن هذا الكلام. فنحن الآن أسأل الله عز وجل التوفيق. On va le temps qui reste, on va expliquer هذه المسألة et on va essayer de voir le حق فيها. الحق اللي واضح. حتى la personne y prend le haq. La personne y prend le haq. ولا يعدل عن الحق ابدا ابدا. فالواجب عند الاختلاف الرجوع الى كتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اذا تنازعوا في الامر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية نعم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نموت خلنا طريقة السلف الصحابة les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام ceux qui les ont suivis dès qu'il y avait un خلاف ils appliquaient هذه الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فعند الخلاف on revient au Coran et à la Sunna. فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله عز وجل أي القرآن لأنه هو كلام الله. والرسول كما تعلمون في حياته il revenait au prophète صلى الله عليه وسلم lui-même وبعد موته on revient à la Sunna. فتستفيد من هذا أن الخلاف c'est pas فلان أو فلان qui a raison. Là Et on l'a expliqué dans une kalima il n'y a pas longtemps, في خلاف العلماء, on avait expliqué مثلها. كذلك الخلاف, ce n'est pas la majorité qui a raison. Abadan. Abadan. الخلاف, ce n'est pas le plus vieux qui a raison. Abadan. Tout ça, c'est des mizans. ما أنزل الله بها من سلطان. المizan الحق, c'est هذا. Si on a un خلاف, c'est quoi ton dalil? Celui qui a dalil, c'est lui qui a raison. Celui qui n'a pas de dalil, il a tort. Qui qu'il soit. Et quel que soit son niveau. لأن الحق أحق أن يتبع. قال وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. هكذا شأن طلبة العلم وشأن أهل العلم باب أولى أنهم ذكي خلاف هي المناصحة المناظرة. عبد الملك إذا يجوز سكوة أدلة فبانو دي غنام الدليل سكذا كذا كذا هشام إذا لا يجوز سكوة أدلة كذا كذا ثم ينظر qui c'est qui t'a précédé في هذا إلى آخره. On trouvera الحق خاصة dans cette مسألة اللي واضح كالشمس. ولا تغتر Pourquoi le savant Foulani ne sait pas? Mais si c'est vrai, pourquoi il a fait? Là, tartar. Tu ne vas jamais t'en sortir, là. Tu ne vas jamais t'en sortir. Le haq, il est un. Si tu nous dis pourquoi le savant il a fait, mais pourquoi il est là, et nous on dit pourquoi le savant celui-là il est haram, comment on fait? Prends le haq et celui qui s'est trompé, il s'est trompé. Et dans ce cas, il y a قول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء أي من أمور الدين فحكمه إلى الله الحكم ليس فلان أو فلان بعض الناس عن خلاف avec lui dit attends je vais demander à فلان à son ami il a le même avec lui il lui dit t'as vu c'est haram فحكمه إلى الله c'est pas فحكمه إلى فلان si tu demandes à quelqu'un il doit t'emmener un dalil أما tu veux me convaincre avec la parole de فلان ou ils sont plus c'est pas un dalil هذا فحكمه إلى الله فالواجب عند الاختلاف طلب الدليل وأخذ الدليل والحذر من مخالفة الدليل c'est ça le واجب tu demandes le dalil si tu l'as tu le prends et tu fais attention à ne pas خالف الدليل لأن الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر أي fais attention de ne pas خالف الدليل انتبه في الآية le wa'id il est في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم pas في مخالفة فلان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فالواجب عند الاختلاف في هذا وعلم تبال شواء تعبد الله تخلق pour que tu l'adores et pour que tu suis le Coran et le Sunnah تبال شواء في هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا تبال شواء je prends la vie que je veux. Bon, j'ai envie de regarder un DVD aujourd'hui, un savant il a dit يجوز un DVD نقصد نحن pour faire دعوة أي في الدين. Un savant il يجوز خلاص il y regarde. Tu viens, tu peux lui citer 50 dalil, Fulan il a dit. La yajouz hada. La yajouz, tu khalif le Nabi l'an. Tu khalif le Coran. Au pire des cas, tu as un doute. Hada, on va essayer d'expliquer l'an avec بعض كلام أهل العلم حتى المسألة تكون واضحة. هناك تنبيه أن بعض الناس بسبب جهلهم يكواد que le khilaf ça lui autorise la chose. وهذا عمد به البلوى بسبب بعض الناس ما تمكنوا في العلم او اذا طاد علم فايقوا كل خلاف سالو اوتوريز لا شوز مثلا نوتخ مساله است يجوز لي سافون يباس على تيلي بور دعوه اي يسفو فيلمي او فوتوغرافي بور الدعوه سير دعوه وما بغي خلاف بعض العلماء يزودي يجوز بعض العلماء يزودي لا يجوز فالان نحن نستيك qu'on doit revenir au kitab wa sunnah celui avec qui le dalil est avec lui, on revient. Voilà aussi le tout seul. Voilà aussi les moins vieux. Voilà aussi la moindre ilm. On revient à lui, les annais, il a le Coran ou le Sunnah. Ba'danas, l'un, il croit que ce khilaf, ça lui autorise. Maintenant, il a un DVD de Sheikh Fulan. Il veut le regarder, tu le fais, ya akhi, taqillah, c'est une image. Les malaïka, ils ne rentrent pas. Le prophète sallam, il a dit, achadoum naz adab yawm al-qiyamah. Le prophète sallam, il a ordonné Ali d'effacer les soirs. Comment toi tu regardes? Il va dire, non mais Sheikh Fulan. Comment tu lui dis à la Sheikh Fulan, kada kada, il dit, il y a khilaf. Il croit que ce khilaf, il l'autorise. Ce khilaf, il t'autorise pas, toi. Al-khilaf, c'est pas une hudda. Al-khilaf, c'est pas une hudda. Si t'as une hudda, un dalil, tafaddal. Tafaddal. Amma ouais, il t'emmène ça comme si yajouz. Wa hada, c'est un khata. Wa isma, il a tambih. Al-imam, al-allama, al-shatibi, rahimahullah. Il cite cette mas'ala, il y en a les qadiman. Lakin l'an, n'tacharat akthar. Qala, al-imam al-shatibi, rahimahullah, waqa'a fima taqaddam wa ta'akhar min al-zaman. Al-i'timad fi jawaz al-fi'l ala kouni mukhtalafan fihi bayna ahl al-ilm. Avant, et à l'époque de shatibi, l'an akthar. Donc il y a un khilaf, il se dit, je le fais, il y a un alam qui a dit, là, al-alam, s'il s'est trompé, il a un ajr. لأن الناس مجتهد إلوي يقول الحق أما أنت تسيك سباطل تسوي تا مقلد تا ديبيشي كتل فيونو يتخالف الرسول ويخشى عليك من الفتنة والعذاب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم أما العالم هو مجتهد إلى أجر رحمه الله عالم لكن يزي ترومبي لكن أنت أنت كريتيك لأن تسوي أفغلمون قال الإمام الشاطبي قال فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال لما يعني تمنع والمسألة مختلف فيها. انظر كأنه لمن الشاطبي ذلك نور. تجاه واحد مثلا أنت سحرام يجي بخوة تجيك سحرام الشيخ فلان إلى ذلك هذا بخوة تجيك لا يجوز تكون ميوك لشيخ نحن نريد بخوة تجيك سيجوز تكون ميوك سوكي ديز لا يجوز إيه انسان صخب له الهوى الغنف et chacun il essaye de emmener l'autre vers son avis ثم الهجر ça c'est pas du علم أبدا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله قال فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كوني مختلفا فيها أي vu qu'il y a un khilaf il croit que c'est yajouz il croit qu'au pire des cas c'est mubah لأن الشيخ فلان il a dit أبدا. قال لا دليل يدل على صحة مذهب الجواز قال وهو عين الخطأ على الشريعة اسمع الآن عين الخطأ على الشريعة الآن تبعل بلا علم قال حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة معم الآن c'est grave لأنه il est en train de mettre une chose qui n'est pas une preuve comme preuve et il s'accroche à une chose tu ne peux pas t'accrocher c'est خطأ قال والقائل بهذا راجع أن يتبع ما يشتهيه ويجعل القول الموافق حجة له ويبرى بها عن نفسه فهذا قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه الكلام إليه قوي جدا الإمام الشاطبي دي أن هؤلاء il veut en fait suivre sa hawa فقط هو il veut regarder le DVD il sait pas quoi dire la hawa et الشيطان ils lui disent مثلا الشيخ فلان il a dit il sait qu'il a tort كتير منهم يسيك لا تور لكن هذا pour pas que tu lui dises c'est haram الشيخ فلان il a tort il croit que tu vas pas oser de dire que الشيخ il a tort فانظر ça c'est quoi il a pris وسيلة للهوى il voudrait dire الله الحق il t'aurait dit cite-moi un dalil. Ça, c'est une qaïda, ya jama'a. Mettez-la vous bien dans la tête. Un celui qui veut le haq, il demande dalil. Dès que tu vois Wahid, il commence à dire non, mais pourquoi ? Mais il y a beaucoup de gens. Mais pourquoi Fulan ? Il commence. Dis-lui, akhi, tu veux le haq, amla ? Si tu veux le haq, demande un dalil. Si tu veux le hawa, on peut rien te faire là. Tu te fais du mal qu'à toi-même. Qal wa dhalik aw intaha. Na'am, intaha. راجع الكلام من الموافقات الموافقات للإمام الشاطبي كثير من الأقوال كما أبخون دون لزابخي من هذه الرسالة حتى قول الإمام الشاطبي في المقدمة هذه الرسالة لطيبة لإبراز لأقوال العلماء في حكم التلفاز والتصوير إلى جمع أقوال العلماء إلى مدخل القول الصحيح أنه لا يجوز Les savants, ils apparaissent à la télé. Là, il y a juste. Et ils citent les adillas et ils citent les savants qui ont interdit l'akhir. Fanahnu akthar al-aqwal, on les a pris de huna. Enfin, si t'as compris ça, t'as compris anna aqwal al-ulama yustadallu laha, la yustadallu biha. Et on l'a vu ça il n'y a pas longtemps. Anna aqwal al-ulama yustadallu laha. Dès que t'as la fatwa d'un alim, il dit il y a juste, tu dois chercher un dali. Matalan, notre mas'ala. الشيخ الألباني دي سحرام الشيخ مقبل دي سحرام دان اوت كوتي الشيخ العزيمين عليه رحمة الله دي يجوز كفر دعوة يجوز الآن تدو قول تدو قول اي دي يجوز اي دي لا يجوز الآن أنت tu dois pas faire passer le قول الشيخ العزيمين avant أو le قول الشيخ مقبل avant إلا بدليل لأن أقوال العلماء يستدل لها tu dois trouver un دليل pour ce قول pourquoi il dit la يجوز et tu cherches pourquoi il dit يجوز et tu cherches هكذا أما الهوى أو لا ماجوريتي أو تسا سيبا من دين الإسلام سيبا من دين الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس لأحد أن يحتاج بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع نعم اسمع كلام المحققين يبقى هوى وليس لأحد أن يحتاج بقول أحد تبقى الغوة دم ديخ الشيخ فلان أو ما أشتري الشيخ فلان صدلي تبقى الغوة لأن الحجة صدلي للشيخ لويمة الله لي أخذني دشوف القرآن والسنة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء سأصع أنقلب طوح العالم لي ما بدشوف الدليل فكمو طوح تبخصون قولي يبا الدليل فهذه سبا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأقوال العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية نعم أقوال العلماء لا بزوان دليل سبا دليل ألمام تندي مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى دي كذا سبا دليل سأقول من أقوال العلماء الأفاضل فأنت سي خالف الدليل تبقى با سي يوافق الدليل تبخون سو قول لأنه يا دليل هكذا تبا بخزرفي تون دين تبا بخزرفي تون منهج هكذا تبا إيفيت التخبط شي بلو كمان فير بوكوا فلان لدي بوكوا فلان لدي وتفشل نسأل الله عز وجل العافية والثبات فسيتا كومبري توسا الآن بعد الأداء نكمل إن شاء الله تعالى مسألة ظهور الدعاة المشايخ في التلفاز، أي مسألة التصوير، هل يجوز أم لا، وما هو الصواب في المسألة؟ تقدم معنا أمس مقدمة، وندخل اليوم في الموضوع، نسأل الله عز وجل التوفيق. فالمسألة هي أن ظهور العالم أو الشيخ أو الداعي فلان في التلفاز أو في غيره، l'essentiel ça soit une photo, ça soit un ordinateur, une télé أو dans les journaux أو من هذه الأمور. نحن ce qui nous intéresse يعني se faire photographier أو filmer أو من هذه الأمور. فهذه المسألة ولا شك أن هذا الشيء يعتبر من الصور، لا شك فيه. C'est une image, c'est une sourah. Tu filmes quelqu'un, c'est une sourah. Tu photographies quelqu'un, c'est une sourah. وهكذا. وتقدم معنا أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار. فهذا سانغلوب toutes les صور. Toutes les صور. قال الشيخ البوزان تقدم معنا أمس في شرح كتاب التوحيد كلام في الأحاديث أن الصور سعام، ونضيف اليوم قول الشيخ البوزان من إعانة المستفيد، قال قوله صورة صورها أي في الحديث يجعل له بكل صورة صورها، نعم بكل صورة صورها هذا عند هذا الحديث. قال الشيخ الفوزان هذا عام أيضا لكل صورة أيا كانت، كسسوا لما كسسوا سكولتي كسسوا avec les appareils الآن les appareils photo les caméras tout ça ça rentre في هذا الحديث. قال رسما أو نحتا أو التقاطا بالآلة، هذا الشيخ الفوزان يدي la différence أن les nouveaux appareils الآن c'est plus rapide فقط، أما c'est une sourah c'est une sourah، l'autre il prend le temps de la faire à la main، هذا il a un appareil qui lui va، أما le but c'est le même c'est une sourah c'est une sourah، الحكم c'est le même c'est haram c'est haram. قال وإلا النتيجة واحدة، كل من هؤلاء قصده إيجاد صورة، نعم c'est ça le but. La personne qui filme, c'est quoi son but? C'est de prendre en image Khudan. Enfin, ils ont tous le même but, c'est l'image. قال فالذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة، والذي يرسم قصده إيجاد صورة، والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد صورة. عم يا بطفر أن تس على فين يغين فتو هذا tous que ce soit à la main ou qu'un appareil tu auras une photo et cette photo elle est haram cette photo elle est haram لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a montré كل مصور في النار parce qu'il interdit c'est la photo أما le moyen que ce soit avec n'importe quel moyen tu arriveras à l'interdit c'est la même chose. قال لماذا تفرق بينهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار ما هو الدليل؟ هذا كلام قوي كلام عالم العلامة الشيخ البوزان وفقه الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور، et on est d'accord que c'est des images. فلماذا تفرق؟ tu dis cela يجوز cela لا يجوز. Qui c'est qui t'a montré que faire une photo à la main, une image représentée à la main c'est haram et avec les appareils nouveaux c'est halal. من أين لك هذا؟ قال ما هو الدليل؟ قال إلا فلسفة يأتون بها. وأقوالا يختارون يريدون أن يخصصوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم برأسهم. نعم. أما العلماء المجتهدون كالإمام العلامة الفقيه ابن عثيمين عليه رحمة الله هو أصلا مجتهد. رحمه الله كما سيأتي. أما بعض الناس يبخفض من مثل هذه الفتاوى. بعض الناس يزودي مقاصد. مقاصد يبخفض de زلات. بعض أهل العلم. أما نحن وأهل السنة ولله الحمد أن العالم سيستخوب إلى مأجور. قال والمحذور الذي في الصورة التمثيلية أو المرسومة هو المحذور الذي في الصورة الفوتوغرافية بس أنا منشوز أنا منشوز celui-là il représente خلق الله وهذا نفس الشيء. سولا يين فتنة سولا يين فتنة سولا يخالف الرسول سولا يخالف الرسول سولا لا بد دليل سولا لا بد دليل. فلماذا تفرق بأي حق بأي دليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا برهان. قال المحذور واحد وهو أنه وسيلة إلى الشرك. نعم. مثلا ceux qui représentent une statue c'est haram bil ijma. Hada ya pas de khilaf. Une statue ça peut être une wasila au shirk. مثلا la photo d'un alim ou d'un salih il la représente en forme de statue. لا أحد من أهل العلم va dire c'est halal, c'est haram. واضح. الآن la photo d'un alim ou d'un salih est-ce qu'elle peut être adorée? بلا شك. بل ça peut être plus une fitna plus grande que la statue. لأن la photo هذه elle va représenter l'alim تماما. C'est une fitna. Tu vas trouver un qawm, ils accrochent les photos et ils l'ubud min dounillah. Et c'est hasil. Cheikh Foulan, As-Salih Foulan, il a akhiré. Fal fitna elle est wahida. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les soirs pour nous interdire cette fitna. Fabi ay haq, on forrit. Anna hadi ala yunom, hadi ala padon. Ça c'est pas sahih, abadan. Al fitna elle est mawjouda. Ou al muslim, il yabta'id min al fitan. Inna su'id la man junib al fitan. هكذا قال عيسى عليه السلام. هذا التفريق لا دليل عليه. أي لفت de certaines images elles sont autorisées, certaines images لا. سيأتي معنا أن بعض العلماء يدس إن سورة والأفضل دولا دليسي كذا لكن سين مصلحة pour la دعوة يجوز. سيأتي معنا الكلام. نحن الآن في étape par étape. فالآن on montre أن toutes les sourates c'est haram. Si tu as compris ça, tu vas comprendre que le fait de passer à la télé même pour دعوة c'est haram. Tu fais pas de دعوة avec haram. قد يكون قائل pourquoi vous avez autorisé pour Daroura? C'est quoi la réponse? Quand il y a Ems, on a dit, et on le redit bien, Anna les images, les photos pour Daroura et Ajouj. Ça, comment on répond à Indaban? Ahsan, awalan, c'est pas une Daroura, il y a des années, il y a eu Da'wa, on n'a pas eu besoin de photos. Deuxièmement, c'est pas une Daroura. Maintenant, la carte d'identité, tu n'as pas le choix. Ou le passeport, tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas conduire. Il y aura une machaqqa. Si tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas faire le hajj. Il y a une machaqqa. Amma, est-ce qu'on peut remplacer les vidéos au fil da'wa? Par quoi? Par les kitab, par les audios, par tu vas à Mubashara chez l'alim. C'est pas une daroura. C'est pas une daroura. Yallah, nous, on ne regarde pas l'alim à la télé. Est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'on a eu quelque chose? Abadan. On conseille les gens d'aller chez l'alim directement. Lire ses livres, ses audios. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de voir son visage. Abadan. Amma, certaines photos, t'as pas le choix. Le passeport, maintenant, t'as pas le choix. Il y aurait une autre solution, on n'aurait pas vu le passeport. Maintenant, on aurait une autre solution. Ils inventent un nouveau papier, sans photo. Ils remplacent le passeport, khalas, on délaisse tous notre passeport. Et on voyage avec ce papier, l'akhir. L'akhir, ça, c'est pas maoudjoud. Obligé pour voyager, t'es obligé d'avoir un passeport et une photo. C'est une daroura. Fa farrib wa ta'ammal. Il y a un farq. Mais بعض الناس يبين une daroura. Oui, أي daroura. Qala wa annaha mudaha li khalqi Allah ta'ala kullu minhum musawwir wa an-natija wahida wa al-maqsud wahid fa man alladhi yukhassu sahib al-ala min ghayrihi aw an ghayrihi. Na'am. Cheikh Fawzani insiste, il dit c'est quoi? Pourquoi tu différencies entre la photo sculptée ou dessinée avec la main et la photo prise avec un appareil photo ou caméra ou min hadhihi al-umur? D'où elle te vient cette différence? D'où elle te vient? Prends l'exemple du khamr. Prends l'exemple du khamr. Le khamr c'est haram. كل مسكر حرام. كل خمر يسوى فعلا ما او avec une machine او avec ce que tu veux. L'essentiel c'est que le khamr si il enivre la personne ça fait un darar. Il sait plus ce qu'il fait, il peut faire des choses يعني خبيثة فسي interdit. كل خمر يسوى avec des nouvelles machines ام لا. فلماذا pour le khamr tu différencies pas et là هنا tu différencies? لماذا? C'est haram, c'est haram. Maintenant, nous, la photo, elle est haram. Qu'elle soit faite à la main, ou avec un appareil, ou demain, ils inventent Madri, c'est haram, c'est haram. L'amr, il est wadih. قال, il n'a pas été sahib ala achad. لأن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من الذي يرسم. هذا الذي أشرنا إليه. شيخ الفوزان يقبل لفت فرق زباغي لا فتنة لبلو غوض الآن أشك طالت على برسن بغلي تقول لفوا لا فتنة لبلو غوض. قال إلى قوله قال ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا باجتهادات البشر وتخرسات البشر وفلسفات البشر. هذا مردود على صاحبه، لأن أن تأتي أدلة، حديث أبي هريرة، حديث عائشة، حديث ابن عباس، حديث علي رضي الله عنه، لكت أدلة كنا بيها في كتاب التوحيد، سيدي أحاديث عامة في الصور سحرة. Celui qui veut خصص هذا، il nous dit là, لكن cette photo elle rentre pas dans l'umum. La généralité, nous qu'on a, c'est que les photos c'est haram. Représenter une chose qui a une âme, être humain ou animal. Celui qui veut nous dire maintenant, lakin kada, ça sort de la généralité, il faut un délit. Imma ayam le Coran, imma kalam rasul. Les anna, les adillah, tu les spécifies avec des adillah. Ta hadith maintenant, âme. Une généralité, tu la spécifies avec un autre hadith. Amma ta kalam Allah il est am, un bachar il le khassas min aïn hada. Alors, nous, si on demande à haoula, il est où le dalil qui khassas hada, la dalil, abadan. Amma certains ulama, ijtahadou, ils sont trompés. Et بعض الناس, ils suivent rukhas al-ulama. Et hada c'est haram. Al-alam, tu prends son qawl dès qu'il a raison, dès qu'il a haq, et dès qu'il se trompe. فكما قال مردود على صاحبه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبك إن من كان. ومقولة لمن مالك مشهورة معروفة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا معروف من أصول الحديث وأصول التفسير، أن العام لا يخصص إلا بدليل. نعم، هذه المسائل on les a vues في أصول الفقه، un hadith عام, un hadith général, il se khassas, il se spécifie avec un hadith khas ou une aya. Amma kalam al-bashar fala. Walaw si c'est un alim là, il khassas pas. L'an al-alim, il peut se tromper. Al-alim, il n'est pas ma'assoum. Fa comment il va khassas al-wahi? Abadan. Fa hada, ma aradna min hada al-kalam النفيس. راجع إعادة المستفيد المجلد الثاني صفحة 369. الآن on a commencé par هذا نحن pour montrer أن الصور سي حرام. الآن on est convaincu أن الصور سي حرام. Et personne peut nous prouver que certaines صور سي حلال أبدا. Il y a un cas cette ضرورة. On a expliqué hier et on va expliquer aujourd'hui الآن. كذلك هنا كلام للإمام الألباني عليه رحمة الله قال في شريط آداب المجالس، أي اللي موجود في رسالة الإبراز لأقوال العلماء، قال الأصل في التصوير كما أظن أن الجميع يعلمون ذلك، أنه لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله عز وجل. هذا الأصل لا يجوز. إلي أدلة وليس أسيت إياه. قال لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله عز وجل مما لها روح، ويدخل في ذلك الحيوانات سواء ما كان منها ناطقا او صامتا. نعم سي انتردي سي سا كسا سوا توك لا شوز على اون ام كسا سوا ان انيمال وان اتر هومان سي حرام سي حرام. قال الا ما اقتضته الحاجه الملحه او الضروره. سوف انكا سي الضروره تابان شوا الضروره سي معروف. قال الشيخ مقبل رحمه الله كذلك قال وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عليا رضي الله عنه أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. من يتأمل إذا كبخون لماذا الشيخ مقبل عليه رحمة الله إلى ستة حديث، لماذا دونت مسألة نحن الآن؟ لأن الصورة لنكرة في سياق النفي فيعم، أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة صورة لنكرة en français ils traduisent indéfini في سياق النفي، أي لا يفيد العموم عند الأصولية، أي n'importe quelle صورة، y a pas de différence. Celui qui veut nous différencier entre cette image et cette image, cette photo et cette photo d'une chose qui a une âme, il nous amène le délit. قال الشيخ رحمه الله صورة نكرة في سياق النفي تشمل كل صورة بعدها toutes les صور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فحديث الأغلب toutes les صور. فالمطلوب من المسلم أن يطمس الصور، قصص ولا صورة نبورتوكي، أن يطمسها اللي فاس. هذا الكلام للإمام الوادعي من إجابة السائل. مسألة الآن وبوطن المسألة مهمة. هل ظهور العلماء أو المشايخ في التلفاز أو في غيره أي avec une image est-ce que c'est une ضرورة؟ الجواب لا. Si tu as compris ça que c'est pas une ضرورة, c'est interdit de passer à la télé pour da'wa ou pour autre. الآن on récapitule, لماذا c'est pas une ضرورة عند من؟ On récapitule, ثم on lit أقوال العلماء. لماذا c'est pas une ضرورة؟ أولا للبروفيت depuis l'époque de Adam, l'époque de Noah jusqu'au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, ils ont fait دعوة. Il n'y a jamais eu d'image. Abadan, bel, ils ont combattu les images. Ils savaient, alayhim salam, bil wahi, anna les images, c'est une chose qui pousse au shirk. Wa ta'amma al-qissat qawm Nuh, elle est wadiha. Hada awalan, thaniyan, pourquoi c'est pas une daroura? Ahsan, il existe d'autres moyens. Vous vous rappelez, anna dabit al-daroura, c'est que t'as plus le choix. T'as pas d'autres moyens. Matalan, anta, une personne, il va mourir de faim. Il n'a plus de quoi manger. Il trouve meïta, ou khanzir, ou une chose de haram. Meïta, c'est une bête morte. Là, il y a juste fit din. Lakin, un, il n'a que ça. Il y a juste, il mange, c'est une daroura. Il n'a pas d'autre moyen. S'il ne mange pas, il peut mourir. Voilà, il y a juste. Il mange un peu, il sauve sa vie. Mais ibn Allah azawajal, tumma, et s'il trouve un autre acte, ma'ruf. Voilà. Il va mourir de faim et on lui propose deux choses. Une bête morte et on lui propose quelque chose de halal. Quelque chose de halal. De la viande, madbouha, à la tariqa islamia, les halal et l'akhiré. Là, il y a juste, il touche à la bête morte. Il est obligé de prendre la bête halal. On revient à notre mas'ala les soir. Al-an, ba'dannas, il dit c'est une daroura, ou gada, ou gada. Al-an, est-ce que pour faire da'wa, t'as que les images? Abadan. Abadan. Da'wa de Cheikh l'Islam. Da'wa de l'imam Ahmed Qabla. دعوة الصحابة دعوة الأنبياء أبدا أنت في سورة إسكو تجابي البروفيت أنت أبدا تجابي أبو بكر أبدا تجابي الإمام أحمد أبدا إسكو لغ دعوة أنت فنو بإذن الله عز وجل البركة لمن الله ألي بفل معاصر. قال الإمام العلامة محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله قال تعلمون أن الإمام الألباني لتي قوي في النقاش جدا. Celui qui a écouté ses cassettes fi Munaqashat, il est qawi jiddan. Ouais, il ne connaît pas Fulan, on m'a dit, il ne connaît pas Hada. Cheikh l'Albani, il ne marchait qu'avec le hadith, le Coran. Ouais, hadith, il lui a posé une question, il a essayé de. Il lui a posé une question, et la question, elle voulait montrer à Cheikh l'Albani, c'est obligatoire, si on a besoin, il a akhré. Et dans la question, il a donné la solution. Il lui a posé la question pour Dawa, il lui a dit, il a télé, il a akhré. Cheikh l'Albani, il se met à l'awab. Qal, là. لا يجوز. Il lui a dit لا يجوز. لماذا tu parles de télé? لا يجوز. Il y a des photos. Il a appelé. ثم قال ولكنك لماذا قفزت؟ لأن la personne il a fait comprendre à Cheikh l'Albani pour faire avancer la da'wa il faut passer à la télé. Cheikh l'Albani lui a dit لماذا قفزت؟ Pourquoi directement la da'wa à la télé? لماذا؟ Cheikh l'Albani lui a dit لقد قفزت من التلفاز إلى المسجد كأنه من المسجد إلى التلفاز. Et la personne lui a dit, les gens ne viennent plus au masjid. Anzur al-istihsan al-aql. Comment il pousse la personne à khalif al-haql. Cette personne, il avait une bonne niya. N'hassibou kadalik. Annahu, il a dit à Cheikh l'Albani, les gens ne viennent plus à la mosquée. Dans certains pays, sahih, anna kathir min al-nas, ils ne vont plus à la mosquée. Tu trouves des mosquées, elles sont presque vides, ou pas beaucoup de personnes. Ou... Enfin, cette personne a trouvé une solution pour Dawa. Il a dit à Cheikh, pourquoi tu ne passes pas à la télé? Et la plupart des gens, ils regardent la télé. Andr l'Isir, ça. Il lui a dit, vu que les gens, ils ne vont pas à la mosquée, et la plupart des gens, ils regardent la télé, ça passe à la télé, ils font leur Dawa. Cheikh l'Albani, il lui a dit, l'imada, du mosquée, tu passes à la télé directement. Est-ce qu'il y a des autres solutions? L'achat. Isma, qala. لقد قفزت من المسجد إلى التلفاز أليس هناك واسطة أخرى تستغني بها عن التلفاز ألا وهي الراديو à l'époque de Cheikh l'Albani معروف ce qui était propagé c'était la télé et la radio. Cheikh l'Albani lui a dit لماذا t'as choisi la solution de la télé لماذا tu choisis pas la solution de la radio صحيح on peut faire la da'wa à la radio كثير من الناس ils écoutent la radio أكثر الناس ils ont une télé chez eux, ils ont une radio كذلك. فلماذا تشوز الحرام et tu délaisses le مباح؟ الشيخ الألباني lui a montré أنه c'est pas une ضرورة أبدا. قال الشيخ الألباني فكما يدخل التلفاز إلى كل دار كذلك يدخل صوت الراديو. Une personne peut dire mais la télé elle est propagée, elle est accessible à tout le monde. On lui dit la radio elle est propagée et elle est accessible. Ben la radio elle est moins chère que la télé. Et t'as moins de fitna, et t'as pas de télé, et tu préserves ton dîme. Et t'écoutes des cassettes là. كذلك deuxième point أن في هذه المسألة الفائدة هل في الصورة أو في الصوت عندما الدعوة على فائدة في الصورة أو الصوت الصوت أما الصورة تستفيد غير الشيخ il a une longue barbe une petite barbe il est blanc il est noir il est gros il est maigre on ne stafait rien nous. Nous ce qu'on veut c'est du ilm et qui parle du dalil. La radio, est-ce que tu arrives à avoir cette chose avec la radio? Tu arrives à l'avoir. نحن الآن كم نستفيد من الشيخ الألباني كم كم on écoute des cassettes الآخرين نستفيد من est-ce qu'on a déjà vu on l'a déjà fait là et on n'a pas besoin نحن on n'a pas besoin نحن ce qui nous intéresse c'est notre frère Allah c'est un alim c'est من أئمة السنة est-ce qu'on veut se stafait de son ilm la preuve de ça imagine-toi أنت لو on te met الشيخ الألباني en face de toi dans une télé même en face de toi Matalan, parle même pas de télé. Tu le mets en face de toi et il est muet. Est-ce que tu as staffé de lui? Abadan. Cheikh l'Albani s'assoit, la haine, on lui dit Fadal Cheikh Msahna, il parle pas. On va rien staffer. On va rien staffer de lui. Al-An, Cheikh l'Albani, il est mort. Son son, on staffé de lui. Ça te montre. Al-Fa'ida, elle est fils Sama'a. Al-Sahari, Ibn Umm Maktoum, il était aveugle. Est-ce qu'il a staffé de Nabi A.S. Naam, il l'a pas vu. S'il était aveugle depuis le début, il l'a pas vu. Hada. C'est pas une daroura, Abadan. C'est pas une daroura. Prends un autre mital. Prends deux personnes. Un sourd et un aveugle. Le sourd, mets-lui un DVD de Cheikh Foulal. Mets-lui ce que tu veux. Mets-lui un DVD. Est-ce qu'il va staffer, Abadan? Il va voir et il n'entend rien. Il staffer pas, Meskin. Hada, t'es obligé de lui écrire, faire da'wa avec l'écriture. On lui montre. Al-An, prends un aveugle. Et on lui met une cassette de Cheikh l'Albani. Est-ce qu'il va staffer? Naam. Ça te montre que la masala est bis saut, elle n'est pas bis surah. Qala, l'imam al-Albani rahimahullah, qala, aïe ce qu'on vient de dire, qala, faman ladhi yastafiduhu al-jumhur an yara al-muhadir al-fulani, huwa fulan, wassaut huwa assaut al-ladhi yasma'u min al-radio vid-gilfaz, faqat, annahu yara al-shaqs. Non, Cheikh l'Albani, il a dit, tu vas staffer de quoi? Que tu me vois ou tu ne me vois pas? Tu vas rien staffer. Tu vas rien staffer. Ce que tu vas staffer, c'est mes paroles. أو سكو جي إكري سيساك تبا استفد فهذا سواضح فالبركة كما سيأتي كلام الشيخ مقبل ألا في الطاعة ألا با في المعصية البركة ألا في الطاعة crois pas que c'est simple tu regardes un شيخ à la télé et tu crois que c'est simple الشيخ lui il a اجتهد et il voulait le حق et il s'est trompé أما أنت si tu connais les adillah et tu sais que les photos sont haram t'as pas le droit de regarder أنت et t'auras pas de بركة وغطت بركة قال الإمام الوادعي رحمه الله البركة من الله عز وجل قال فرب كلمة تقال في مجلس صغير ينفع الله بها العباد والبلاد نعم قال فتنتشر حتى تصل إلى أمريكا وإلى بريطانيا وغيرها ورب كلمة تردها وسائل الإعلام مرارا وفي النهاية ليس لها ثمرة انظر العالم لميزان كلا لميزان كلا صحيح سخت علماء Prends l'exemple de Cheikh Al-Albani, prends l'exemple de Cheikh Mokbel, prends l'exemple d'avant lui de Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, avant lui Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et ses élèves Ibn Qayyim Ibn Kathir, Al-Imam Al-Zahabi, avant eux Al-A'imma Al-Arba'a, avant eux Al-Sahaba, ils ont une baraka azima dans leur ilm sans image. Al-An, t'as des aqwal, t'as des livres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah partout dans le monde, sans image, sans rien. Tu trouves des gens, ils essayent de faire des da'wah ou ils essayent de faire kada avec des moyens haram, il n'y a aucune tamara. Il n'y a aucune tamara. Al-An, il y a des da'i, nuit et jour, ils passent à la télé, chaîne kada, chaîne kada. Son ilm, il n'a pas beaucoup de tamara. Fa al-baraka min Allah. Et anta, si tu veux le baraka, t'obéis à Allah. Tu ne fais pas de ta tête. Là, Allah, il a interdit les photos, il n'y a pas de khair. Éloigne-toi des photos. Éloigne-toi. Et stafet de da'wat ha'oula. De leurs sons, leurs audios à Aqsud, leurs livres, il a akhir. Prends l'exemple de Cheikh Mokbel, rahimahullah, comme on l'a expliqué plusieurs fois. An-Nasa Da'wan s'est répandu dans le monde entier. Est-ce que tu as déjà vu Cheikh Mokbel? Tu l'as jamais vu. فالعبرة بالعلم العبرة بالعلم. هذا الكلام من تحفة المجيب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الدعوة من عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي قائمة، وما استعمل بها التصوير فلا حاجة إلى التصوير، لا حاجة. الشيخ الفوزان إذا هكذا لا حاجة. Depuis l'époque des prophètes, la da'wah à l'avance, sans photo. L'image aujourd'hui, on a besoin des photos. قال الدعوه تقوم بدون التصوير ولا يستعمل محرم من اجل الدعوه. نعم لا يستعمل محرم من اجل الدعوه. Ça c'est une faïda pour toi, ayyuha al-talib. T'as pas le droit de faire un haram pour faire da'wah. Maintenant, tu dis, allez, aujourd'hui, je vais mentir. Tu sors un mensonge, comme ça, les gens, ils acceptent de toi. Tu dis, c'est pas grave, c'est pour da'wah. L'essentiel, c'est qu'il y a du khayr. Est-ce que t'as le droit de mentir? Là, il y a pas de maslaha. Al-Kadim, c'est pas une daroura. Tu peux dire le haq. Al-Sura, c'est pas une daroura. Tu peux passer à la radio. Tu peux écrire. Il a affaire. Al-An, il y a Internet, il y a kada, il y a kada. T'as pas besoin de la sura. Tu peux nchar de maqal sans sura. Et ça fait penser à Mithal qui donne avec la bougie. Anna l'insan, ta'lamoun anna la bougie, à l'éclair autour d'elle, elle se fait du mal à elle-même, elle se brûle, hatta elle fond, hatta elle disparaît. Anta, tu ne peux pas être mithal la bougie. Tu n'as pas le droit de faire du bien aux autres et de faire du mal à toi. La yadjouz, ça ne soit pas comme une bougie. Si tu peux aider les autres, bikhay, fais-le. Amma, tu te fais du mal et t'aides les autres, la yadjouz. Il y en a, tu as des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre sur ton neuf, sur ton ilm, il a arrêté. Et qui c'est qui t'a imposé ça? Qui c'est qui t'a imposé de faire da'wah face à la télé, c'est haram? Qui c'est qui t'a imposé ça? Abatan. Bal an-nasihin, talabat l'ilm, ceux qui connaissent Adillah, et wufiqou, et la akhd al-haq, ils te regarderont pas, même tes chers foulains, ils te regarderont pas si tu passes à la télé. Acteur, ceux qui regardent la télé, c'est Nisa, Aïl Mashaykh. Je parle de, dès qu'on parle de la télé, on ne parle pas du fasad, il est là, on parle de da'wa. Acteur qui regarde, c'est l'awam, c'est le nissas. Amma talabat l'ilm, ils ne sont pas haoul hada. Talabat l'ilm, ils sont filmés masajid, ils sont avec l'ulama directement, ils sont dans les livres, il est akhiré. Ce n'est pas une solution. Une autre mas'ala, ce n'est pas une daroura. Al-an, on est convaincu que ce n'est pas une daroura. Al-an, il y a une autre mas'ala, une personne elle peut dire, anna y a une maslaha. Est-ce qu'il y a une maslaha amla? Hada su'al. On est obligé d'avoir une réponse, hatta on avance. Est-ce qu'il y a une maslaha amla? Il y a une maslaha. Il y a une maslaha. Une personne, elle peut écouter à la télé et il se fait guider. Une personne, une mas'ala, elle avait besoin et il l'écoute. Lakin, ça ne veut pas dire qu'il y a une maslaha que c'est autorisé. Al-an, s'il y a une maslaha et il y a une grosse mafsada à côté, est-ce que tu prends cette maslaha? Abadan. Intabihu li hada. Hada, c'est muhim. هذا سموهم أنه هي المصلحة لكن المفسدة هي plus grande. Prends l'exemple et c'est ce qu'on va donner. Le fait de soigner avec du haram, est-ce qu'il y a une مصلحة? Est-ce qu'il y a une مصلحة? Il y a une مصلحة, tu vas te soigner. لكن المفسدة هي أكبر أنه tu vas t'entraider في الحرام أن les gens ils vont te voir, ils vont croire que c'est halal إلى آخره. فلا يجوز. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. T'as pas le droit de prendre un haram pour faire إما العلاج إما من هذا الباب. T'as pas le droit. C'est haram. قال شيخ الإسلام ابن تيمية, il va parler de التداوي بالحرام. Et nous, on va voir que c'est la même chose avec les photos. قال شيخ الإسلام رحمه الله, التداوي بالخمر حرام. بالنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء فقال إنها داء وليست بدواء. فلا يجوز. تطلب وتجرير avec الشر. تطلب. الضرورة c'est autre chose. لكن الآن نحن. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de se guérir, de se soigner? نعم. Il y a pas que le khamr. Le khamr tu peux te soigner avec certaines maladies. لكن il y a des autres remèdes. Ça tu délaisses le khamr. الآن نحن. On dit أن il passe à la télé. Peut-être qu'il y aura une maslaha. لكن il y a la même maslaha ou plus en dehors de la télé. Les écrits, les audios. Enfin, les ma'ala, on délaisse tout ça et on prend cette maslaha où la mafsada est plus grande. Al-qawl bil maslaha, nous, on a voulu donner l'image avec tadawi faqat. Amma hatta al maslaha, elle est qalila jiddan. Et avec les mafasid, tu ne vois plus la maslaha. Avec tous les mafasid qu'il y a, il n'y a plus de maslaha. Et min al mafasid, anna duhur al-du'at fi al-tilfaz, il y a des mafasid kabira jiddan. Prends l'exemple de la femme. Si elle regarde chez Foulan, elle peut tomber dans le fitna. Ça veut dire que l'un, ceux qui disent que le mashayikh y passe, on doit leur dire, vous devez dire aux gens que les femmes y regardent pas. Qala azza wa jal qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin. Khassatan si le shaykh il est jeune, il parle bien, il a du ilm, la femme elle va tuftan bih. La femme elle tombe dans le fitna comme toi tu tombes dans le fitna dès que tu vois une femme qui te plaît, là, c'est la même chose. Ben les femmes c'est achad. Qui c'est qui a halal hada? Ça montre que la fatwa elle tient pas debout. Tu dis les mashayikh ils ont droit de passer mutlaqan. Là. من المفاسد كذلك أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. Ça c'est mafsada. T'as mis le cheikh, طيب. Tu veux qu'il te fasse nasiha ila akhirah. Tu veux apprendre de lui. T'allumes la télé, les malaïka, il n'y a plus de malaïka chez toi. C'est mafsada. Pourquoi tu t'imposes à ça? Pourquoi tu n'allumes pas la radio ou tu lis un livre, tu vas se taffer de pareil. En plus. Et les malaïka, ils sont chez toi. من المفاسد كذلك قال شيخ الألباني قال أنا فلان أنا محمد ناصر أي شيخ الألباني يدي أنا سجمع على تلي الشيطان يبقى رنتخي مانية لي بابون أنا شي محمد ناصر دين الألباني لي جان يبقى مغردي إلى آخره قال شيخ الألباني فهذا إهلاك لنفسي انظر شيخ الألباني لا يبقى قصون نفسي كيف جمع على تلي الشيطان يمغرد بكو جان يمغرد لانية لبو شانجي كذلك من المفاسد أن Le fait de regarder Al-Mashayikh à la télé, ça va impliquer plusieurs choses. Et ces choses, elles peuvent te faire perdre ton din. Elles peuvent, tu peux lâcher ton din, sallallahu alayhi wa sallam. On va donner un exemple, nous. Et on avait lu Al-Qissam al-Ikhwa fil Arba'in, al-Nawawiyya, qui m'a adhkur. Un ahad al-Tullab, fi Saoudiya, il a écrit un livre, بعد هذا. أنه il était à la khair, c'est un talib ilm, il a akhiri. Il a voulu rentrer, il a fait rentrer la télé chez lui. Son code c'était quoi? De regarder Cheikh Fulan. Cheikh Fulan il passe à telle chaîne, il y a un programme avec Cheikh Kada, je vais regarder Tarawih, je vais regarder Mecca. C'était ça son code, passe Hassan. Lakin, il n'a pas regardé plus loin. Enfin, il a fait rentrer Hada. Et raconte-moi au début, il a regardé Cheikh Fulan, il a regardé Kada. Tout le monde il a commencé à dériver. Ah, je vais regarder les informations. Il voulait être informé ce qu'il y a dans le monde. Tout le monde, il a dérivé. Hatta, il a fini au Liban. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a fini au Liban, Fassad. C'est quoi qui l'a poussé à ça? C'est la télé. Les Anna, Anta, si tu regardes le Shir, t'es obligé d'avoir le moyen pour regarder. Il m'a télé, il m'a ordinateur. Et ça, c'est un bain Fassad si tu ne fais pas attention. Amma, la télé, c'est du Fassad. Kulleha. Amma, l'ordinateur, l'insan, yentabé. Al-An, c'est une mafsada, amla hada. La chèque que c'est une mafsada. Ça a été quoi la cause que ce frère, il s'égare? Ça a été, il voulait regarder Shir Fulan et l'Akhir. Amma, il s'aurait fait une belle bibliothèque ou des audios, il aurait protégé son dîme. Et Anta, Al-An, on dit, Ayuha Sunni, Ayuha Salafi, c'est qui te garantit? Si tu regardes Cheikh Fulan à la télé, tu vas pas basculer dans du haram. Qui c'est qui te garantit ça? Qala ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, inna al-hayya la tu'man alayhi al-fitna. Tant que tu es vivant, tu n'es pas préservé de tomber dans le fitna. Si tu as compris ça, éloigne-toi du fitna. Il va faire la dame. Après la dame. On a bientôt fini. Naam, nakmil. L'histoire qu'on a racontée à Hadashab, il a fait une risala. Lillah, thumma lil mashayikh wa du'a. Et ça, là, c'est la Vendée Huna. Et Houa, l'expérience qu'il a eue, il fait une nasiha au Mashayikh qui passe à la télé. Anaoumi raconte l'expérience qu'il a eue, Houa. Et Wallah, c'est pas le seul. Quand il y a des gens qui sont foutus, il commence à regarder Internet, c'est une musiba akthar. Il commence à regarder là, il va là. Il m'a dérivé dans l'Ahl al-Bida. Il m'a dérivé dans l'Ahl al-Ma'asi. Ou al-Fasad. Il m'a sallamé Allah Azza wa Jalla. L'insan, il fait attention. La porte de Shar, il ferme. C'est pas que tu ouvres le sort à nafsik, tu vas glisser à akhi. Khassatan, on est des du'afa. On n'a pas beaucoup d'ilm. Il a akhiré. L'insan, il protège son din. Et, si tu réfléchis bien, ba'dan nas, il regarde les mashayikh à la télé comme si c'était obligatoire. Ya akhi, même Cheikh Nu'aymin, qui voit que c'est yajouz il a akhiré, il n'a jamais dit c'est obligatoire. Regardez, abatan. Al-ulama, ils ont jtahadou et ils voient que certains ulama. Et ils voient que c'est un moyen de faire avancer la da'wa. Anta, t'es pas obligé de regarder. T'es pas obligé, khassatan si t'as peur pour ton dîme. C'est un moyen, jtahadou, ils ont vu qu'il y avait du khayr fi hada. Et nous, on a vu que c'était pas que le sawab, c'était qu'il y avait beaucoup de shar. Fa ibta'id an hada, il protège ton dîme. Cheikh, lui, il est mort. Il a fait un effort. Il a un ajr. Et son dîme, il était préservé. Et il a cru que c'était le haqq. Et il s'est trompé. C'est une fitna pour toi. Fa protège ton dîme. القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن سكيبوس وحرام سحرام وسائل الحرام سحرام الآن لفوتو سحرام ce qui pousse à cette photo, c'est haram. Al-an, regarder le façade, c'est haram. Avoir une télé, c'est haram. Et ça peut te pousser à hada. Il a akhri. Isma. كلام الإمام الشاطبي رحمه الله قال الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة tout ce qui peut te pousser à مفسدة tu dois le couper. فلهذا قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا. Il n'a pas dit fais pas zina, il a dit لا تقرب. لأن il y a des choses, des moyens qui peuvent t'emmener à zina, tu ne dois pas approcher أصلا منها. Regardez, c'est haram حتى tu ne tombes pas في الأعظم الزنا. فما بالك avec هذا الشيطان تلفاس الشيطان. كذلك أن la personne il n'est pas tout seul. مثلا un couple ou il a des enfants, tu n'es pas tout seul. أنت تعمل la télé chez toi, طيب. C'est quoi, pourquoi t'as mis ou un DVD ou un Minhaj al-Umur, pourquoi tu fais ça? Je veux regarder les mashayikhs, da'wa, ils appellent la sunna, tayyib. Tanyan, toi t'es sorti, qui c'est qui t'a dit que la télé hadi ou l'ordinateur ou Minhaj al-Umur, ils vont pas être utilisés dans le haram? Qui te dit? En dessous du matelas, ça se trouve, il y a 20 DVD de dessins animés, t'es pas au courant. Ça, tu pars, ça regarde, c'est toi l'atim, c'est toi quand on est shaitan à la maison. Fais-le, c'est du din, c'est du din. T'ouvres les portes de façade de ta famille, tout m'a aidé, tout m'a isplé. الخلاصة أن الأمر الواضح في التحريم على الأقل على الأقل على الأقل أو مينيمم أبخي توسا الأدلة لأقوال العلماء تغان دوت عيش بعض celui qui dit là moi je prends la vie j'ose il a fait تغان دوت لأن il y a des أدلة tu pourras pas إما tu les acceptes إما les interpréter tu pourras pas il y a قواعد qu'on a vu أن سد باب الحرام tu pourras pas t'en échapper فعلى الأقل تغان دوت تغان دوت. لأن سبب بوسو فساد سبب كذا سبب كذا معروف حديث النعمان ابن بشير أن لا بيرسون يسكت دوت إن الحلال بين وإن الحرام بين. الآن الحلال الواضح فعل الدعوة كم البروفيت اللي نفعل sans image الآخر حلال واضح الحرام il est واضح مثلا الفساد على التلي c'est واضح c'est حرام بالإجماع. الآن وبينهما أمور مشتبهات il y a des choses مشتبهات مثلا. Est-ce qu'un alim, il peut prendre ce moyen pour faire da'wah? C'est une shubha pour toi. Si c'est une shubha pour toi, fattaqi shubuhat. Fattaqi shubuhat, ça va préserver ton din, comme a fait le hadith. Fahada, qala l'allama, al-imam Nuqayyim, rahimahullah, qala, idha ashkala ala al-nadir, aw al-salik, hukm shay. Al-an, Ibn Qayyim va donner une solution. Si t'as un doute dans une chose, est-ce que c'est halal ou haram? T'as un doute, t'as des adillah, il y a un khilaf, tu sais plus comment faire. Il va donner une solution. Qala, هل هو للإباحة والتحريم قال فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته. أنت تغرق ستشوز أغاد بوسي أكوا سي ستبوس أفر دي بجي أعين مفسدة كم أنا فيديو تمفاسد لزان جيرون با tu peux tomber dans le fitna, tu peux délaisser ton din, tu peux kada, tout ça, ça te montre que la chose elle est haram. الآن il y a un gros mal dans هذا. Il va y regarder un DVD chez Koulan, il tombe في عظائم. Il n'y a pas de baraka. Alors, si on se pose la question, est-ce que vous avez déjà vu un alim dans sa biographie dit j'ai staffé de DVD chez Foulan, j'ai regardé chaîne Foulan? Eh ben, tu vas le trouver, j'ai staffé sur l'islam de Taymiyyah, Ibn Qayyim, j'ai jalis avec Cheikh Foulan, j'étais dans Marquez Kada. C'est ça qui fait sortir l'ulama. هذا كلام القيم في المدارج. نختم هذه الكلمة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها البركة بكلام الإمام المجدد مقبل ابن هادي رحمه الله قال ونصيحتي لطلبة العلم لعموم المسلمين قال أن لا يغتروا بقول فلان ولا فلان وأن لا يحكموا إلا كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. فالشيخ مقبل يدل النصيحة أنك تفغي باسا من القرآن السنة دوست مسألة إذا أطر فدوست مسألة يدعو العلماء إذا اجتهد إذا ديك ستيجوز. نحن نبي المفاسد ونبي الأدلة كسلا يجوز عند الخلاف كما نبي يضيب ذا محاضرة أنه تغني قال الله قال الرسول إذا بقى يخص كلام كغسبة طال علماء أبدا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دوست مسألة إيسا ترومبي إيسا عالم فاضل من المجددين من المصلحين لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرحم علماءنا. من عنده شيء أو نقف هنا لا أحد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين. لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي.